trop d'envieux, trop de couteaux, trop de têtus, donc j'ai pas écouté. Je viens, tu sais bien que j'ai mal. Et j'ai pris toutes mes affaires, j'ai quitté. J'ai plus grand chose à faire, j'suis équipé. Quand y'a trop de choses à faire, j'suis occupé. Être en cloque, j'suis en plein délire. Y'a trop de choses que j'peux pas t'expliquer, donc vois le délire. Faut que tu passes mon wari, j't'appelle toute la semaine, gros, envoie le délire. J'suis au bec, j'suis en voie le délire. Plein de clients veulent me nuire. J'dépouille en moine de sapé en Burberry. J'me laisse à tirer en Burberry. On a gravé des échelons, tu t'en anticipes, j'suis pas un loser, wesh. Et tu sais que j'ai les filons, j'peux pas crier à l'aide, j'suis pas dans les SOS. On a gravé des échelons, victoire j'anticipe, j'suis pas un loser, wesh. Et tu sais que j'ai les filons, j'peux pas crier à l'aide, j'suis pas dans les SOS. Tu sais que t'es mon joujou, toujours près de moi. Quand t'es loin ça fait mal, quand j'suis pas loin tu fous. J'ai gardé la mentale, toujours près du métal. Mais quand t'es là tous les jours c'est la guerre, guerre. Pourtant on fait la paire, R. On fait le tour de la terre, mode avion sur répondeur. On a gravé des échelons, victoire j'anticipe, j'suis pas un loser, wesh. Et tu sais que j'ai les filons, j'peux pas crier à l'aide, j'suis pas dans les SOS. On a gravé des échelons, victoire j'anticipe, j'suis pas un loser, wesh. Et tu sais que j'ai les filons, j'peux pas crier à l'aide, j'suis pas dans les SOS. Tu m'as laissé naufragé, mais j'ai su retrouver le trajet. Tu veux que je sois ton otage, ton bijou, tu veux pas me partager.